Arnoux, en effet, se laissait exploiter par la Bordelaise avec l'indulgence des amours séniles. Sa fabrique ne marchait plus. L'ensemble de ses affaires était pitoyable. Si bien que pour la remettre à flot, il pensa d'abord à établir un café chantant où l'on aurait chanté rien que des œuvres patriotiques. Le ministre, lui accordant une subvention, cet établissement serait devenu tout à la fois un foyer de propagande et une source de bénéfices. La direction du pouvoir ayant changé, c'était une chose impossible. Maintenant, il rêvait une grande chapellerie militaire. Les fonds lui manquaient, pour commencer. Il n'était pas plus heureux dans son intérieur domestique. Madame Arnoux se montrait moins douce pour lui, parfois même un peu rude. Berthe se rangeait toujours du côté de son père. Cela augmentait le désaccord et la maison devenait intolérable. Souvent, il en partait dès le matin, passait sa journée à faire de longues courses pour s'étourdir, puis dînait dans un cabaret de campagne en s'abandonnant à ses réflexions. L'absence prolongée de Frédéric troublait ses habitudes. Donc il parut, une après-midi, le supplia de venir le voir comme autrefois et en obtint la promesse. Frédéric n'osait retourner chez Madame Arnoux. Il lui semblait l'avoir trahi. Mais cette conduite était bien lâche. Les excuses manquaient. Il faudra en finir par là. Et un soir, il se mit en marche. Comme la pluie tombait, il venait d'entrer dans le passage Jouffroy quand, sous la lumière des devantures, un gros petit homme en casquette l'aborda. Frédéric n'eut pas de peine à reconnaître Compin, cet orateur dont la motion avait causé tant de rire au club. Il s'appuyait sur le bras de l'individu, affubé d'un bonnet rouge de zouave, la lèvre supérieure très longue, le teint jaune comme une orange, la mâchoire couverte d'une barbiche, et qui le contemplait avec de gros yeux lubrifiés d'admiration. Compin, sans doute, en était fier, car il dit « Je vous présente ce gaillard-là. C'est un bottier de mes amis, un patriote. Prenons-nous quelque chose ?» Frédéric l'ayant remercié, il tonna immédiatement contre la proposition râteau, une manœuvre des aristocrates. Pour en finir, il fallait recommencer 93. Puis, il s'informa de Reginbard et de quelques autres aussi fameux, tels que Masselin, Samson, Le Cornu, Maréchal et un certain Delaurier, compromis dans l'affaire des carabines, intercepté dernièrement à Troyes. Tout cela était nouveau pour Frédéric. Compin n'en savait pas davantage. Il le quitta en disant « À bientôt, n'est-ce pas? Car vous en êtes. » « De quoi? De la tête de veau? Quelle tête de veau? » « Ah, farceur !» reprit Compin en lui donnant une tape sur le ventre. Et les deux terroristes s'enfoncèrent dans un café.